C'est virtuel, lâche ta paye, regarde en face, un être humain, ça a des faiblesses, le plus dur c'est d'en parler. Loin des yeux, près du cœur, comme dirait Saké, l'amitié chez nous c'est sacré. Parce que les vrais se font rares, j'ai écrit ce thème, le succès est éphémère, j'ai lié dans ses yeux un beau matin. Me parle pas de Jean Hart, tu sais que je l'aime, c'est via la rage, plus art. Mon adresse, c'est rue d'une autre planète. Là où j'habite, c'est tout un peuple qui détient le mérite. C'est bien plus que la gloire d'un seul type. La jalousie, ça vous rend dingue, à force de rêver de tout et de rien. Vous passez tous les jours à côté de l'essentiel. Mes potes, je compte sur les doigts, je compte pas sur leur compte épargne, alors me compare pas à tous ces gars. Je reste crédible en toutes circonstances, c'est l'ambiance qui veut, ça abuse. Je guette des screws dans la sertie bizarre. Et dans le vent, c'est l'ambition d'une feuille morte, j't'avoue. J'ai besoin d'air, de donner un sens à ma vie. Chaque jour, chaque heure et chaque seconde, c'est tout un état d'esprit. Et dans le vent, c'est l'ambition d'une feuille morte, j't'avoue. J'ai besoin d'air, de donner un sens à ma vie. Chaque jour, chaque heure et chaque seconde, c'est tout un état d'esprit. Cette crainte de me perdre dans certaines de mes pensées me rappelle de rester vrai, de jamais me faire distancer. Moi dans ma vie j'ai eu des choix à faire, des bons ou des mauvais, peu importe, j'ai l'air un frais s'il fallait les refaire. Ma vie n'est pas simple, elle se déroule pas comme dans tes sites, comme du coup je crame des feuilles car du gaz dans ma cartouche d'encre. CFER 23 piges, premier album, si je rappe c'est pour mes frères, moi je m'en tape de ta petite personne. T'imagines pas que je fasse ça pour briller, mes faces soit elles déboîtent, soit elles terminent dans le cendrier. Moi mes valeurs je les puise au fond de mon âme, peu importe si tu les aimes, peu importe si t'en ricanes. Ça lâche la place à tous les frères Joel Squatter, à Nico, à Jean Paf et Thaïlande pour leur bonne humeur. J'en oublierai peut-être, mais c'est pas le cas. L'important c'est que vous sachiez que dans mon cœur vous êtes tous là. Et dans le vent, c'est l'ambition d'une feuille morte, j't'avoue. J'ai besoin d'air, de donner un sens à ma vie. Chaque jour, chaque heure et chaque seconde, c'est tout un état d'esprit. Et dans le vent, c'est l'ambition d'une feuille morte, j't'avoue. J'ai besoin d'air, de donner un sens à ma vie. Chaque jour, chaque heure et chaque seconde, c'est tout d'un état d'esprit. Laisser une trace pour tous ceux qu'on aime. Dur de se l'imaginer quand t'es devenu un homme et que t'es toujours sans môme. Croire que c'était du tout cuit, c'était naïf. Autant aller graver ton nom sur le mont Sinaï. Des illusions tellement fortes que certains deviennent sourds à la voix de la raison et assaisonnent en bas des tours. On cherche tous à porte exit pour sortir un instant de ce merdier. Moi c'est dans le hip-hop que je l'ai trouvé. Mes textes, je les chie pas sur commentant. Dans ma tête c'est le chaos et le calme en même temps. Pourtant, loin d'être con, plutôt organisé, avec tellement de choses à faire que je sais pas par où commencer. Alors je t'avoue qu'être dans le vent, je m'en fous. Ce rap je le fais pour me prouver que je suis dans le coup. Ce texte je l'écris sans l'inspi au coup par coup. Et ce flow c'est pour voir si j'ai toujours le goût. Être dans le vent, c'est l'ambition d'une feuille morte, je t'avoue. J'ai besoin d'air, de donner un sens à ma vie. Chaque jour, chaque heure et chaque seconde, c'est tout un état d'esprit. Et dans le vent, c'est l'ambition d'une feuille morte, j't'avoue. J'ai besoin d'air, de donner un sens à ma vie. Chaque jour, chaque heure et chaque seconde, c'est tout d'un état d'esprit.